comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 26e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Desrieux au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine, alors que nous allons plonger aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler le chapitre de la Grande Transition. Nous entrons effectivement aujourd'hui dans le 10e chapitre de notre histoire de la Chine à dos de tortue, un chapitre qui est situé à la jonction de l'histoire moderne et de l'histoire contemporaine, et qui s'intitule « Le choc des guerres de l'opium ». Comme nous l'avons mentionné lors des premiers épisodes de notre émission, il n'est pas aisé de dire avec précision à quel moment débute l'histoire contemporaine de la Chine. Tout simplement parce que, et c'est l'une des données premières sur lesquelles repose toute la connaissance historique, les catégories temporelles sont toutes des constructions de l'esprit qui sont déterminées a posteriori des événements. Comme on le sait, il existe plusieurs manières de découper le temps de l'histoire en périodes selon la signification qu'on cherche à attribuer à tel ou tel événement. On retrouve, par exemple, de plus en plus de cours universitaires qui font débuter l'histoire contemporaine de la Chine avec l'histoire de la République populaire qui commence en 1949. Mais comme indiqué au début de notre périple, pour les besoins de notre récit, nous continuons à situer, par souci de simplification, le début de l'histoire contemporaine de la Chine avec la fin de l'histoire impériale et le début de la République. Ce qui revient à dire que la rupture entre le moderne et le monde contemporain correspond à la transition de 1911-1912. Or, on ne saurait comprendre adéquatement l'instauration de la République sans reculer un peu plus loin dans le temps. Et à cet égard, il y a, au cœur du 19e siècle, un point de rupture dont on ne saurait se départir pour comprendre l'histoire de la Chine contemporaine, soit la période des guerres de l'opium. Les deux guerres de l'opium de 1840-42 et de 1856-1860 ont provoqué une véritable onde de choc en Chine et en Asie. Et c'est au cœur de cette période de bouleversement qu'une tangente révolutionnaire s'est graduellement mise en branle. Et c'est ce processus que nous allons explorer au cours des deux prochains chapitres. La portion de l'histoire chinoise qui s'ouvre avec les guerres de l'opium en est une de transition et de transformation profonde. On pourrait d'une part dire qu'il s'agit de la fin de l'époque impériale, ce que les historiens anglo-saxons nomment « Late Imperial China », qui est d'ailleurs le titre de l'une des revues académiques parmi les plus prestigieuses dans le domaine. Mais on pourrait aussi, d'autre part, dire qu'il s'agit du début de l'époque contemporaine, une sorte de préambule, en fait, qui est essentielle à bien situer pour être en mesure de comprendre l'émergence de la Révolution républicaine de 1911. En ce sens, il me paraît tout à fait juste de parler de cette période comme s'il s'agissait d'un état de brèche, pour reprendre une formulation de Hannah Arendt, utilisée dans un tout autre contexte, décrivant la rencontre entre un monde qui n'est plus et un monde qui n'est pas encore. Voilà donc le programme des deux prochains chapitres, alors qu'on assistera à la fin graduelle d'un monde et à l'émergence d'un nouveau monde qui tardera pourtant à se montrer et à s'installer. On se lance donc aujourd'hui dans une période de troubles, une période de changement et de transformation. Et la première chanson qu'on va entendre nous offre justement une solution. Un point de repère pour nous retrouver dans un monde plein de bouleversements. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu le père du rock'n'roll, mais il nous revient en force aujourd'hui, avec beaucoup de rythme. Tuétienne nous chante pour bien commencer cette émission, la pièce éponyme de son deuxième album paru en 1991. C'est une chanson qui s'intitule « Tiétué ». Un mot qui signifie « résoudre »,« solutionner », comme dans l'expression « solutionner un problème », tietue wenti. Alors, pour celles et ceux qui se sentent embourbés dans une tonne de problèmes, la solution viendra aujourd'hui par le rythme de la musique et de la danse. Voici donc la chanson « Tietue » interprétée par Tué Tienne. What? Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à commencer notre 10e chapitre qui nous entraînera, comme nous avons mentionné avant cette chanson de Tuétienne, dans la période du grand changement du 19e siècle, l'un des points de rupture par excellence de l'histoire chinoise. En fait, si on voulait situer ce point de rupture avec le plus de précision possible, il faudrait dire que, quelque part entre le déclin des Qing que nous avons vu lors du dernier épisode et les effets du choc des guerres de l'opium que nous allons découvrir au cours des deux prochains chapitres, on trouve un point de rupture diffus et complexe qui nous fait graduellement passer de l'histoire moderne à l'histoire contemporaine ou de l'histoire impériale jusqu'au fondement de la République. Ce 10e chapitre intitulé « Le choc des guerres de l'opium » est divisé en quatre parties. Nous verrons dans un premier temps le commerce international et le système de cantons. Puis, nous glisserons quelques mots sur l'ambassade McCartney de 1793. Par la suite, nous verrons la première guerre de l'opium de 1840-42, pour finir avec, comme dernier point de ce chapitre, les traités inégaux et la deuxième guerre de l'opium de 1856-1860. Pour comprendre le déclenchement de la guerre de l'opium, nous devons d'abord prendre le temps de situer les acteurs impliqués dans le contexte plus général du commerce international et du système de cantons. Nous avons parlé précédemment de l'arrivée des Occidentaux en Chine, s'inscrivant dans le contexte des grandes explorations européennes de l'époque moderne. Sans tout reprendre sur ce sujet, disons que ce sont d'abord les pays de la péninsule ibérique, soit l'Espagne et le Portugal, qui s'étaient lancés à l'assaut des mers du monde pour trouver une nouvelle voie commerciale vers le Cathay. Même si le traité de Tordesillas de 1494 tentait d'arbitrer les disputes entre ces puissances nationales en délimitant le territoire de chacun, les découvertes se multiplièrent et dépassèrent rapidement les limites du monde ainsi tracées sur une carte. Et à partir du moment que les Européens arrivèrent en Asie, leurs prérogatives furent confrontées à des gouvernements locaux dont les résistances furent parfois implacables. Alors que les Portugais arrivèrent en Chine en 1513, dans la province du Guangdong, ils débarquèrent au Japon en 1543, puis s'installèrent de manière permanente à Macao, dans l'extrême sud de la Chine, à partir de 1557. Pour leur part, les Espagnols débarquèrent à Manille vers 1543 et s'établirent aux Philippines de manière permanente à partir de 1564. Entre-temps, les autres pays européens se lancèrent aussi dans cette conquête des nouveaux marchés asiatiques, principalement les Pays-Bas, la France et l'Angleterre par voie maritime, et comme nous l'avons vu précédemment, la Russie par voie continentale. Les Portugais s'installèrent brièvement sur l'île de Taïwan, qu'ils baptisèrent Ilha Formosa, ce qui signifie « île magnifique » en portugais, avant d'être chassés par les Pays-Bas qui établirent sur l'île la forteresse de Fort Zeelandia à partir de 1624 et qui eux-mêmes furent ensuite chassés par le rebelle Koxinga au début des années 1660. Cette période d'intensification des échanges entre l'Europe et l'Asie est de plus en plus considérée par les spécialistes comme le début de la mondialisation, alors que le commerce et les échanges de toutes sortes connaissent une diversification sans précédent. Alors que le commerce entre la Chine et l'Asie et l'Europe avant l'époque moderne se limitait principalement à la soie, l'encens, les épices et les pierres précieuses, la quantité des produits du négoce se multiplia et se diversifia de manière considérable. Les explorateurs européens ont largement tiré avantage des innovations technologiques et des progrès scientifiques de l'époque liés à la boussole, la cartographie et l'astronomie, mais aussi pour les techniques de navigation. C'est l'époque où l'on passe du cabotage, qui permettait de cheminer entre des ports successifs le long des côtes africaines, au voyage en haute mer avec la caravelle, qui permet maintenant dorénavant de remonter face au vent et face au courant marin. N'oublions pas de préciser qu'en arrivant dans les mers d'Asie, les explorateurs européens ont tiré avantage de routes commerciales et de circuits de navigation qui avaient déjà été très prospères en Asie entre les populations locales. De manière globale, l'ère des explorations européennes a entraîné une augmentation considérable du volume des échanges économiques mondiaux et la diversification des produits échangés se mesure dans toutes les directions. Cette diversification des échanges a même contribué à modifier les écosystèmes culturels et économiques sur tous les continents. À titre d'exemple, notons les bovins, les chevaux et les moutons qui ont accompagné les Européens partout où ils allaient. Mais n'oublions pas la canne à sucre, l'or et l'argent qui sont sortis de l'Amérique en grande quantité, de même que le maïs, la tomate, l'arachide, la pomme de terre, la vanille, le cacao, le tabac, etc. Cette première mondialisation a eu des répercussions démographiques aux antipodes selon les régions du monde. D'un côté, on remarque une disparition dramatique des populations autochtones de l'Amérique, alors que certains estiment entre 50 et 90 % de la population qui fut décimée, soit par des épidémies, soit par les guerres de la conquête. À l'inverse, en Chine, la diversification alimentaire qui se généralisa au 18e siècle, grâce à un afflux de nouveaux produits, entraînant l'une des plus importantes croissances démographiques de toute l'histoire de la Chine, alors que la population tripla entre 1700 et 1850. Dans la foulée de cette augmentation du commerce international entre l'Asie et l'Europe, la multiplication des tensions liées aux rivalités nationales européennes commençait à s'avérer problématique pour la dynastie Qing au 18e siècle. À cette époque, l'Angleterre augmentait sa présence sur toutes les mers du monde. Important jusque dans les mers de Chine, sa rivalité qui l'opposait alors à la France. La guerre de 7 ans qui opposa la France et l'Angleterre entre 1756 et 1763 est un des points tournants majeurs qui a permis à l'Angleterre de prendre le contrôle des colonies comptoires en Inde, notamment à partir de la bataille de Plassey de 1757. Cette domination du commerce maritime par l'Angleterre était de plus en plus manifeste à mesure que l'on avançait dans le 18e siècle. Si bien que, vers le milieu du 18e siècle, pratiquement 60 % de tout le commerce européen avec la Chine était le fruit des marchands britanniques. Pour la dynastie Qing, cette augmentation de la présence étrangère le long du littoral, accompagnée des tensions et des rivalités nationales européennes, s'avéra problématique. Les Manchous y voyaient notamment une menace et un risque de perdre le contrôle des régions frontalières et des provinces périphériques, et surtout, on craignait de voir la résurgence de la piraterie dans les eaux limitrophes. C'est donc dans ce contexte que la dynastie Qing décida d'instaurer graduellement un système de fermeture du littoral, en autorisant le commerce avec l'étranger dans un seul port situé dans le sud du pays, soit le port de Canton. Ce qu'on appelle le système de Canton fut mis en place graduellement entre 1750 et 1760, et les règles commerciales y étaient très strictes. À partir de 1760, donc, un seul port était dorénavant ouvert pour tout le commerce avec l'Occident et la durée totale des échanges était limitée à une période d'environ 6 mois par année. Une guilde commerciale nommée le Kohong avait le monopole complet des échanges et les règles, taxes et tarifs divers pouvaient fluctuer au gré des saisons, voire au gré de l'humeur des personnes impliquées. Mais avant de poursuivre, nous allons nous tourner vers une autre pièce musicale qui met cette fois en valeur un instrument que nous n'avons pas entendu depuis plusieurs semaines, à savoir le pipa. La pièce que je vous propose aujourd'hui s'intitule « Shimian Maifu », ce qui signifie « embuscade venant des 10 côtés ». C'est une pièce qui est relativement chargée en intensité et en variation de rythme, parfaite pour celles et ceux qui ont parfois l'impression d'être envahis de tous bords, tous côtés. Voici donc « Shimian Maifu » interprété au pipa par Viviane Liu. Et nous, on se retrouve pour la suite de notre récit tout de suite après la pause.